بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام حول القاعدة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه القواعد الأربع. Nous continuons donc dans l'explication de la deuxième règle qu'a cité l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dans son livre Al-Qawa'id al-Arba', les quatre règles. وَرَدَدْنَا عَلَى بَعْضِ الشُّبُهَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا عُبَادُ الْقُبُورِ. Et nous avons certes précédemment répliqué à certaines ambiguïtés citées par les adorateurs des tombes. ومنها قولهم إن الله لا يوصل إليه إلا بواسطة كما أن الملوك لا يوصل إليهم إلا بواسطة وقلت إن هذا تشبيه أو تشبيه الخالق العزيز بالمخلوق الضعيف. Et parmi leurs ambiguïtés, leurs paroles lorsqu'ils disent que Allah, on ne peut l'atteindre dans l'invocation, l'adoration, on ne peut l'atteindre que par un intermédiaire. De la même façon que les rois, ici-bas, les gouverneurs, on ne peut les atteindre qu'avec un intermédiaire. Et donc j'ai dit que ceci, c'est le fait de faire ressembler le Créateur, le Tout-Puissant, à la créature faible. ومن شبهات القوم أنهم يستدلون بحديث الشفاعة. Et parmi les ambiguïtés de ces gens-là, parmi les soufis, le fait qu'ils utilisent comme preuve le hadith de الشفاعه في الصحيحين, le hadith de l'intercession. وفي حديث الشفاعة أن الناس يسألون الأنبياء يوم القيامة أن يشفعوا لهم عند الله ذلك من شدة القلق والخوف فكلهم يرفضون إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيستأذن ربه في الشفاعة فيأذن له فيشفع. Et donc dans ce hadith de Al-Shafa'a, dans le hadith de l'intercession, les gens au jour de la résurrection, ils demandent au prophète de faire intercession, d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Et ce, à cause de la forte inquiétude et de la peur profonde qu'il y a durant ce jour. Cependant, tous les prophètes, ils refusent, sauf notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il va demander à son Seigneur la permission concernant l'intercession. Alors, son Seigneur lui autorise. Et à ce moment-là, il intercède, comme cela a été cité dans le Bukhari et Muslim, du hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu. قَالُوا إِذَنْ يَجُوزُ أَنْ نَقْلُبَ الشَّفَاعَةَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Et donc les adorateurs des tombes ont dit, il nous est alors permis de demander l'intercession aux prophètes et aux pieux. وهذا الاستدلال في الحقيقة دليل على قلة فهمهم لنصوص الشرع. Et en réalité, cette façon d'utiliser le hadith est une preuve de leur manque de compréhension des textes de la législation. وقد بين المؤلف في قاعدة الثانية ما يرد على ذلك فقال. Et certes l'auteur Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a cité ici dans la deuxième règle ce qui réplique à cette ambiguïté. Il a alors dit: فَالشَّفَاعَةُ وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَةً شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ. Les intercessions sont au nombre de deux, sont de deux sortes. Une intercession qui est affirmée par la législation et une intercession qui est rejetée. Et une intercession qui est rejetée. فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ مَكَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Et donc l'intercession qui est rejetée, celle qui est infirmée, est l'intercession qui est demandée à autre que Allah, le Très-Haut, concernant ce que seul Allah puisse faire. Et la preuve de cela, والدليل قول الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Oh, vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons accordé avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants, ce sont les incroyants qui sont les injustes. Sourate Al-Baqarah, le verset 254. Et il continue l'auteur en disant: wa shafa'atul muthbata hiya allati tutlabu min Allah. Et l'intercession qui est affirmée, c'est celle qui est demandée à Allah. وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ. Et certes, l'intercesseur, il est honoré par cette intercession. وَالْمَشْفُعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. En ce qui concerne celui pour qui l'intercession est faite, alors c'est celui dont Allah agrée sa parole et ses actes après avoir donné son autorisation. Comme Allah le dit: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Surat al-Baqarah, verset numéro 255. إذن, donc fin de citation de la parole de l'imam Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. إذن, الإمام محمد ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, يبين لنا أن من قرأ في نصوص الكتاب والسنة سيجد أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: قسم أثبته الشرع وهو المذكور في حديث الشفاعة، وقسم نفاه الشرع وهو الذي يقوم به عباد القبور. Et donc, en réalité, l'imam Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous montre clairement que celui qui lit les textes du Coran et de la Sunna, il trouvera que l'intercession se divise en deux. Une intercession que la législation a affirmée, et c'est celle qui est citée dans le hadith de Jibril, et une intercession que donc les textes de la législation ont rejetée, comme l'intercession que font les adorateurs des tombes. فَمَا ضَوَابِطُ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الْمُثْبَتَةِ. Et donc, quels sont les principes de cette intercession qui est affirmée par la législation? ذَكَرَ الْعُلَمَا شُرُوطَ الشَّفَاعَةِ وَهِيَ كَوْنُ الشَّفَاعَةِ تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ بَعْدَ الْإِذْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِنَّهُ يُوجَدُ فِي الْحَدِيثِ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه في الشفاعة فيأذن له. Et donc, les savants, ils ont cité parmi les conditions de l'intercession, c'est donc l'intercession qui est affirmée, et donc parmi ces conditions, le fait que cette intercession soit demandée à Allah le Très-Haut, et que cette intercession ne se fasse qu'après la permission. Comme cela est clair dans le hadith de l'intercession, justement. Le hadith sur lesquels s'appuient les adorateurs des tombes, c'est le même hadith qui réplique à leurs ambiguïtés. Car certes, il y a dans le hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande l'autorisation avant de faire intercession. Il ne vient pas et fait intercession comme cela. Mais il demande d'abord l'autorisation, puis l'autorisation lui est donnée. Il n'y a donc pas d'intercession avant la permission. Comme l'a dit Allah le Très-Haut, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? La deuxième condition, c'est le fait que Allah agrée celui pour qui l'intercession est faite. Il est donc impératif que ces deux conditions soient rassemblées pour que l'intercession soit correcte. Et donc, première condition, al-idn, l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Deuxième condition, le fait que Allah agrée celui pour qui l'intercession est faite. Allah Ta'ala qui dit dans son livre « Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda » Et combien d'anges dans les cieux dont leur intercession ne sont nullement profitables sauf pour celui à qui Allah a autorisé. Sauf après que Allah ait autorisé pour qui il veut et agrée. Sauf après que Allah ait autorisé pour qui il veut et agrée. Il est donc impératif, sourate An-Najm, verset numéro 26, il est donc impératif de rassembler ces deux conditions. Allah Ta'ala qui dit aussi « وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ » Et l'intercession n'est nullement profitable auprès de lui, sauf pour celui à qui il l'a autorisé. Sourate Saba, verset numéro 23. قَالَ مُكَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله ولم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه انتهى. Ibn Kathir, il dit, rahimahullah, et si cela, donc vous voyez donc dans les versets qu'on a cités, le fait que l'intercession n'est nullement profitable. Ibn Kathir, il dit, si cela concerne les anges qui sont rapprochés d'Allah, cette intercession, elle n'est pas profitable venant des anges qui sont rapprochés d'Allah. Alors, comment est-ce que vous, les ignorants, vous pouvez espérer une intercession venant de ces statuts et de ces égaux que vous accordez à Allah? Et certes, Allah n'a pas légiféré le fait d'adorer celle-là. Et il ne l'a pas autorisé. Mais au contraire, il a interdit cela par la langue de tous ses prophètes, de tous ses messagers. Et c'est en interdisant cela qu'il a fait descendre tous ces livres. وقال العلامة السعدي رحمه الله لا بد من اجتماع الشرطين إذن الله تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له. Et le savantissime Sa'di, il dit dans son tafsir, rahimahullah, il est impératif de rassembler les deux conditions. L'autorisation d'Allah le Très-Haut concernant l'intercession et son agrément de celui pour qui l'intercession est faite. Et il continue en disant, وَمِنَ الْمَعْلُومِ الْمُتَقَرَّرِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا مُوَافِقًا فِيهِ صَاحِبُهُ الشَّرِيعَةِ فَالْمُشْرِكُونَ إِذَنْ لَا نَصِيبَ لَهُمْ مِنْ شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ وَقَدْ سَدُّوا عَلَى أَنفُسِهِمْ رَحْمَةَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ. Fin de citation. Il continue en disant, rahimahullah, et certes il est connu que les œuvres ne sont acceptées que lorsqu'elles sont sincères. Envers Allah Ta'ala et en accord, et que celui qui accomplit ses actes soit en accord avec la législation. Et certes, les polythéistes, ils n'ont donc aucune part de cette intercession. Ils n'ont aucune part de l'intercession des intercesseurs. Et ils se sont fermés à eux-mêmes la porte de la miséricorde du plus miséricordieux. Fin de citation. Et donc on voit bien des deux paroles de ces deux savants du tafsir l'importance quant au fait de rassembler ces deux conditions. Le fait que l'intercession soit faite après qu'Allah ait donné l'autorisation et le fait que Allah agrée de celui pour qui l'intercession elle est faite. Et donc toutes ces personnes qui sont adorées, qui sont enterrées, ne peuvent pas intercéder car l'autorisation n'a pas été donnée. إذن لا تطلب الشفاعة إلا من الله. Et donc ne demande l'intercession que d'Allah. كأن يقول القائل اللهم شفع في الرسول. Comme le fait que la personne dise ô Allah, fais que le prophète intercède en ma faveur. Ça tu peux le faire, mais le fait de demander directement l'intercession au prophète, non. أو يقوم الإنسان بالأسباب التي بها ينال شفاعة الرسول. Ou alors que l'individu va accomplir les actes qui vont lui permettre de bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. البخاري a cité dans son recueil selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui, lorsqu'il entend l'Eden, dit « Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'ima »« Ô Seigneur, ô Allah, Seigneur, de cet appel parfait, de cette prière qui va être accomplie, « Ati Muhammadan il wasilata wal fadila »« Accorde à Muhammad el wasila » ainsi que « El fadila » »« El fadila » donc « El fadila » donc ainsi que les mérites وَبْعَثْهُ مَقَوْمًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ et ressuscite-le à la place louable que tu lui as promis. Celui qui fait cette invocation après avoir entendu l'Eden, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Alors, mon intercession lui est licite au jour de la résurrection. Il bénéficie de mon intercession au jour de la résurrection. Et donc, accomplis les causes qui te permettent de bénéficier de la donc de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن لابد من اجتماع الشرطين لثبوت الشفاعة أن تكون بعد الإذن وأن يرضى الله عن المشفوع له. Et donc encore une fois, je le répète, il est impératif que les deux conditions soient rassemblées, que cela se fasse après l'autorisation, après que Allah ait donné l'autorisation, et deuxièmement, que Allah agrée de celui pour qui l'intercession est faite. فحرص أنت أن تكون ممن يرضى الله عنه وأخلص نيتك لله واجعل عملك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc efforce-toi de faire partie de ceux que Allah il agrée, et accorde un culte exclusif à Allah Azza wa Jal, une intention pure et sincère pour Allah, et fais que tes actes soient en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurayrah radiyallahu anhu annahu qala qila ya rasul Allah man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Al-Bukhari a cité dans son recueil selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, qui dit qu'il fut dit au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, qui est celui qui sera le plus heureux de bénéficier à, de bénéficier à ton intercession au jour de la résurrection, de bénéficier de ton intercession au jour de la résurrection ?» Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Lekod vanantu ya Aba Huraira, an la yas'alani an hadha al-hadithi ahadun awwala mink. » لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abi Huraira à cette question en disant, certes, je savais, ô Abu Huraira, que personne d'autre que toi ne m'aurait interrogé concernant ce sujet. Personne ne m'aurait interrogé concernant ce sujet avant toi. À cause de ce que j'ai vu, des efforts que tu fournis, et comment tu t'accroches au hadith, certes celui qui sera le plus heureux au jour de la résurrection par mon intercession est celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement venant de son cœur ou de son âme. أخرج الإمام مسلم عن ربيعة ابن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل قلت أسألك مرافقتك في الجنة. الإمام مسلم il a cité dans son recueil selon ربيعة ابن كعب qui dit « Je passais la soirée avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors je suis venu à lui avec son wado, son eau pour faire ses ablutions et ses besoins. » Alors il m'a dit « Demande. » Donc demande ce que tu veux. Je lui ai dit « Je demande le fait d'être à tes côtés au paradis. » Allahu Akbar. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé la carte vitale. Il n'a pas demandé le fromage français. Il a demandé le fait d'être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Ewa ghayra dhalik ? Tu ne veux pas autre chose que ça ?» Et donc là, tu peux dire « Oui, je veux être à ta place au paradis et en plus de l'argent. » Non, il n'a pas dit ça. « Kultu huwa dhalik. » Il a dit « C'est ce que je veux. » Allahu Akbar. Ces gens-là, ils ne voulaient. Ils voulaient Al-Akhira. Il voulait l'au-delà. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Alors aide-moi te concernant en augmentant les prosternations. C'est-à-dire en augmentant les prières. Accomplis beaucoup d'œuvres pieuses. Aide-moi te concernant. Tu veux bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accomplit des actes de piété, augmente les bonnes actions, فعباد الكبور تعلقوا بالنصوص التي ذكرت الشفاعة المثبتة وظنوا أن كل شفاعة فهي جائزة. Et donc les adorateurs des tombes se sont accrochés au texte qui montre que l'intercession est affirmée dans la religion. Ils se sont accrochés à ces textes et ils ont pensé que toute forme d'intercession, elle est affirmée. وهناك طائفة أخرى الخوارج تعلقت بالنصوص التي تنفي الشفاعة فمنعوا الشفاعة للمؤمنين الذين استحقوا العذاب أن يدخلوا النار أن لا يدخلوا النار ويدخلوا الجنة والمؤمنين الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. Il y a un autre groupe qui se sont accrochés au texte qui rejette, qui infirme l'intercession. Ils ont donc interdit, ils ont donc dit qu'il est interdit, que l'intercession est interdite aux croyants qui méritaient d'être châtiés, afin qu'ils ne rentrent pas en enfer, mais qu'ils rentrent au paradis. Et donc, les croyants qui méritent d'être châtiés, et donc, ils disent, les khawarij, qu'ils n'ont pas d'intercession afin de les empêcher de rentrer en enfer pour les faire rentrer au paradis. De la même façon, ceux qui sont rentrés en enfer, il n'y a pas d'intercession pour les faire sortir de l'enfer et les faire rentrer au paradis. Ils rentrent en enfer, ils y restent. Ça, c'est la croyance des khawarij. Wa ahlu sunnati wasatun bayna ta'ifatayn. Athbatu ash-shafa'ata al-mashru'a wa nafa'u ash-shafa'ata al-manfiya. Et donc les gens de la Sunna sont dans le juste milieu entre ces deux groupes. Ils ont affirmé l'intercession légiférée et ils ont infirmé l'intercession qui est infirmée, l'intercession qui est interdite. Wa akhiran la budda an nufarriqa bayna ash-shafa'ati allati 'inda an-nas wa ash-shafa'ati allati 'inda Allah. Fa ash-shafa'atu allati 'inda an-nas فهذه لا بأس منها يطلب الرجل من عمه أن يشفع له عند صاحب شركة ليدخله فيها فهذه هي الشفاعة التي عند الناس بأن يذهب الشافع إلى الآمر ابتداء ثم يشفع. Et ensuite, pour finir, il est impératif que nous fassions la différence entre l'intercession qui s'applique entre les gens et l'intercession qui se fait auprès d'Allah. Car certes, l'intercession qui se fait parmi les gens, celle-ci, il n'y a pas de mal. Comme le fait que l'individu demande à son oncle d'intercéder en sa faveur auprès du responsable, auprès du propriétaire d'une entreprise, pour que celui-ci le fasse rentrer dans la société. Il n'y a pas de mal à cela, à cette forme d'intercession. C'est-à-dire que l'oncle, l'individu, il va donc aller, l'intercesseur va aller auprès de celui qui prend la décision. L'intercesseur va aller auprès de celui qui prend la décision et de lui-même, premièrement, c'est lui qui va commencer à faire l'intercession. Puis il va faire l'intercession. Amma shafa'atu 'indallah. Fa la yashfa'u ash-shafi'u 'indahu illa ba'da idhnihi kama bayyanahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fi majmu' al-fatawa. Tandis que l'intercession qui se fait auprès d'Allah, celle-ci, alors il faut savoir que l'intercesseur ne peut intercéder auprès d'Allah qu'après que Allah ait autorisé. Avant cela, il n'y a aucune intercession qui est faite. Comme l'a montré Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah clairement dans son livre, comme dans Majmu' al-Fatawa. فَمَنْ فَهِمَ ذَلِكَ فَهِمَ أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِيَدِ اللَّهِ وأن الشفاعة كلها لله. Et donc celui qui comprend cela, il comprend alors que tout est entre les mains d'Allah et que l'intercession tout entière appartient à Allah. لأن الشافع لا يستطيع أن يشفع عنده ابتداء. Car l'intercesseur, il ne peut pas de lui-même intercéder auprès d'Allah. Il ne peut pas de lui-même intercéder auprès d'Allah. Il ne peut le faire que si Allah lui permet. Et donc tout est entre les mains d'Allah. C'est pour ça que Allah Ta'ala, il dit « Qul lillahi shafa'atu jami'a ». À Allah seul appartient toute l'intercession. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. À Allah appartient seul, à Allah seul appartient toute l'intercession. Surat Az-Zumar, verset numéro 44. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Il est certes capable de toutes choses. On reprend la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, avec al-qa'idatu thalitha, la troisième règle. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairah.